avons un podcast. Ici Frédéric Barbouchy qui vous souhaite la bienvenue à Pas de problème, la balado-diffusion la plus populaire de ton cercle d'amis en compagnie de Jean-Philippe Durand. Salut Fred, comment vas-tu? Ça va bien toi? Ben oui. Mathieu Bouillon. Paradis, oui j'ai découvert un goût de... Ok. Et notre super technicien, Martin Boily-Boileau. Martin! Oui, Martin! Ça mélange entre Martin et Merlin, parce que c'est un magicien du son. Ah, exactement. Mais, hein. Et on voit, là, il calibre tout pendant qu'on parle. Il est vraiment attentionné à tous les détails. Il me fait un pouce en l'air. C'est parti! Le son est bon. Pour la 160e balado. Wow. Incroyable. Incroyable. Et pour cette... on peut toujours expliquer rapidement c'est quoi, pas de problème, parce que c'est le fun. Hein? Quand des gens arrivent, là, des nouveaux, on leur dit tout de suite, en partant, c'est quoi, pas de problème? Pas de problème? Oui. C'est... Mathieu, continue. OK. Bon, ils se pointent l'un l'autre. Oui. Tu as un nombre variable de panélistes, donc aujourd'hui 3, mais habituellement 4. Antoine vous fait dire bonjour. Antoine fait dire bonjour. Il est présentement au Costa Rica, je crois. Oui. Ouais, il essaie des t-shirts là-bas. Donc, qui répondent à des problèmes que tu nous envoies via les réseaux sociaux. Mm-hmm. Voilà. Donc, et ça. Nous, on tente de solutionner ces problèmes-là. Là. Oui. Oui. Mm-hmm. Et en nous parlant deux, de... pas Mathieu. Oui. Oui. Non. En parlant d'Antoine et de T-shirt, le concours se termine à l'instant où vous téléchargez ce podcast. Hein? Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on donne deux journées de plus. Yeah! Extension. Jusqu'au 16. Yes. Vous avez jusqu'à demain, si vous avez téléchargé le podcast La Bonne Journée, bien sûr. Oui. Pas trois mois en retard. Mm-hmm. Alors, envoyez-nous ça, vos propositions pour le concours. Est-ce qu'on a des bonnes propositions jusqu'à maintenant? On en a quelques-unes. Je te dirais qu'il y en a qui ont pris un peu plus de temps pour proposer des choses. Exact. Ouais. Mais il y a quand même des propositions intéressantes. Ouais. Notre jury, c'est qui donc? Anne Darche. Anne Darche. Frédéric Metz. Oui. Vous deux. Oui. Antoine et pas moi. C'est ça. Hein? Okay. C'est bon. Ça. Ben, c'est le fun. Il fallait que ça soit crédible. T'as encore le fun, ça. Mm-hmm. Ouais. Alors, le problème de cette semaine, pour notre 160e quand même, hein, c'est... Bon, on va faire ça à chaque 10. Wow! Wow! Ah ouais, bon, on le fait depuis le début, je pense. Ouais. C'est la 16e fois qu'on le fait. Wow! Même au 5, ça nous arrive de le faire. Oui, c'est vrai, je pense. 25! Alors, Jean-Philippe, c'est un habitué quand même. Martin? Oui. Franklin, oui. Franklin. On aura tout essayé. Ouais. Donc, voici son problème. Cher, pas de problème. Vous avez su analyser mes problèmes précédents avec brio, sauf Mathieu. Alors, je me permets de vous proposer un problème épineux. Je suis en amour avec une personne qui est déjà en couple. Que faire? Wow! Ah, c'est dur, ça. Mmh. Wow! Mmh. Ça vous est déjà arrivé, messieurs? Non. Non? Non. Bah, moi, je pense que c'est... Sans arrêt. La tentation est trop forte. C'est que ça. De briser tous les Non, coups. Mais c'est le genre d'affaire qui arrive à tout le monde. Ça veut pas dire que tu fais juste un deuil, puis tu... Mais là, c'est plus profond. Là. Martin est en amour avec cette personne-là. Il est pas attiré par cette personne-là. Ouais, il est en amour. C'est pas un kick, là. Ouais, C'est pas un kick. Ouais. He's in love. Mm-hmm. Ouais. Non, mais évidemment, tu sais, c'est une situation dans laquelle t'as pas envie d'être. Non. Hein? Non, c'est ça. En amour, ça? Ouais. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Mais est-ce que comment s'en sortir? Lui, qu'est-ce qu'il veut, selon vous? Que cette personne-là sorte de son couple? Ou cesser d'être lui, en amour. C'est ça. Ou Martin aime ça se faire mal lui-même. Ouais. Et que c'est une situation qu'il aime, là, de ou se sentir déchiré. Il veut qu'on lui trouve d'autres façons de tomber en amour avec d'autres personnes dans d'autres couples. Mm-hmm. Oui. Ou peut-être inciter la personne qui est en couple avec la personne qu'il aime à devenir un couple ouvert. Ça, c'est une des premières solutions, je pense, Mathieu. Oui? Oui. OK, mais comment? Crouser l'autre. Conjoint. Croiser. Attends, bon, mettons, Martin aime une fille, donc on parle de son chum. C'est ouais, ça. Mettons. Donc, il faudrait qu'il croise son chum. Déjà, ça commence mal. Ouais. Attends, on les connaît pas. C'est des gens ouverts. Ils sont peut-être bien open. Ouais. Mais est-ce que la personne dans le couple avec qui il est en amour est en amour aussi? Est-ce qu'il y a une réciprocité? Ça dit, non, oui, parce que ça arrive, ça, quand même. Ouais. Ouais. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui est en amour puis qui. Mais qui est en couple quand même. Ouais. Qui veut pas briser la fin. Ça, habituellement, là. Mm. Ça fait pas un couple fort fort. Non, non, non. Mm-hmm. Ouais. C'est attaquable de toutes parts. Exact. Ouais. Mais pour briser l'autre couple, c'est ça, il y a trois choses à faire. Il y a soit, comme vous dites, tombe en amour ou du moins duper le conjoint de la personne. Il y a ensuite encourager la fille à laisser son chum et partir avec lui. Oui. Ou tout simplement briser leur couple lui-même. Pas passer par la fille, mais se rendre chez eux puis faire de quoi qui va séparer leur couple à jamais. T'sais. Genre quoi, mettons? Ben, on a vu à l'automne le mauvais exemple de quelqu'un qui a lancé de l'acide au visage. Oui, ça brise un peu. Une très mauvaise idée. Oui. Il ne faut pas que ça servir contre toi. Mm-hmm, non, c'est non, ça. Mais, donc, mais... t'envoies quelqu'un d'autre. Ouais. T'engages quelqu'un pour le faire. Ouais. Mettons Ryan Gosling. Ouais. Ryan quelqu'un qui peut... Lui, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ouais. Non, mais peut-être qu'il pourrait rentrer et mettre, mettons, des chemises tachées de rouge à lèvres pour accuser, dans le fond, le chum d'infidélité. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Oui. Ou tenter le chum avec... une super chicks. Oh, ça c'est bon. Mm-hmm. Oui. Puis prendre des photos. Ouais. Mettons une super chick, là. Genre Anne-Marie Wittenshaw. Ah oh, ouais. Ouais. Super chicks bilingue. Super chicks bilingue. Ouais. Oui. Hashtag cool. Hashtag cool. Ouais. Ou, hashtag nouveau chum. Peut-être qu'il pourrait voler toutes les gommes, les paquets de gommes du chum. Comme ça, il y aurait toujours mauvaise haleine de beigne. Ah oui, ça, ça pue le beigne. Ça pue, là. Ah. Fait que là, je suis désolé, les gars, en passant, j'ai mangé un beigne avant de venir. Et là, j'émane. Un beigne à Yola. Ah, tu sens tellement la roussette française. Ah, ça m'écarte. Et pourtant, j'ai mangé deux. Puis c'était pas juste une roussette. Ah, en tout cas. Que... Ah, non, mais ouais. J'ai mangé un beigne à l'oignon, puis là, un beigne à l'oignon. Puis un beigne à cigarette. Ça sent mauvais. Oui. Ben, bon. Moi, j'ai déjà été dans cette situation-là. Ben, pas en amour, tu sais, on s'entend, là, c'est pas... Une grosse attirance. Ouais. Ben, ouais. Tu sais, vraiment, comment dire, quand même une... J'étais proche de la personne, puis tu te sens bien avec, tout ça. Puis tu sens que la personne aussi se sent bien avec toi, mais tu sais, t'es en couple depuis longtemps. Puis tu fais bon. Ben... T'étais-tu ami avec le gars? Ouais, t'étais ouais. En plus, ouais. Fait que... C'était qui ça, Fred? C'était. Ça fait-tu assez longtemps pour qu'on le dise? Non, non, non, c'est des blagues. Non, ça fait assez longtemps, mais j'ai pas envie d'en parler. Ouais. Mais. Ben non, mais ben, en même temps, je me prends comme. Peut-être arrivé au secondaire aussi, je ne m'en rappelle plus. Là. C'est comme tu veux, c'est la différence entre 5 étoiles et 4 étoiles dans les critiques. Hey! Là, en passant, là, une petite parenthèse, c'est 5 ou rien. C'est 5 ou rien, oui, c'est compris? Oui, c'est ça, mais il faut travailler pour ne pas avoir rien. Là. Bon, ben, tu vas nous dire des choses, Jean-Philippe. Oui. Non, mais moi, j'ai simplement fait mon deuil, tu sais. Mais quoique, ma copine, en ce moment... Quand la première fois que je l'ai remarqué, elle était en couple. Oh, oui. Je suis pas tombé en amour avec, mais le jour où, je sais pas, on était à la même place ensemble, quelqu'un m'a dit qu'elle était plus en couple. Puis là, j'ai fait mon move. Ben oui. Ouais. Donc, la patience est une solution. Ça, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. La ouais. Patience. Mm-hmm. Hein? Donc, les gars, vous voulez sortir avec ma blonde, soyez patients. Oh. Avant de crisser là un moment donné. Ça sent bien. Ça sent bien. Ça sent bien. Ouais. Ouais. Martin? Non, Martin, lui. Grand docteur de l'amour. Non, c'est parce que depuis tantôt, il nous écoute puis il pleure un peu. C'est difficile de le voir comme ça. Ouais. Mm-hmm. Il est en amour avec l'amour. Oui. Ah oui. Bon. Mettons qu'on. Ou. Tu sais, mettons l'aider à faire son deuil. Comment qu'on peut faire ça? C'est-tu comme d'imaginer la fille dans des situations compromettantes poches? Tu sais, mettons, tu l'imagines en train d'inséminer une vache. Mm-hmm. Oh, oui. Fait que là, tu sais, comme il n'y a plus d'attirance possible. T'sais. Ben, ça dépend pour qui. Mais peut-être pas Martin. Peut-être Franklin. Pas Martin Franklin. Mais en fait, c'est ça. Est-ce qu'il y a une façon... Parce qu'on a toujours les classiques de pas de problème. Donc, éviter le problème d'une façon X. Mm-hmm. C'est-à-dire peut-être de devenir moine ou ouais. des choses du genre. Peut-être. Il y a toujours la crise et opportunité, ouais. Donc de le couple ouvert. Mm-hmm. Bon. Tuer quelqu'un aussi. Tuer quelqu'un. C'est une solution qu'on a utilisée 160 fois. Oui. Et la franchise, souvent une bonne solution, d'aller voir la personne. Peut-être qu'elle attend juste ça. Ouais, mais peut-être que l'amitié tient plus que ça. Ouais, il y a ça aussi. C'est, ah oui, c'est sûr. C'est une gageure. C'est sûr que tu peux. Ouais. Oui, c'est une gageure. C'est une gageure. Non, mais si c'est douloureux à ce point-là, puis t'es prêt à mettre en jeu l'amitié. Ouais. Ouais. Mais ouais. Mais on dirait que j'y crois moins à la franchise là-dedans. Ouais. Dans ce cas-ci, là, on dirait que je vois pas la plus-value que ça peut avoir. Mettons. Sinon. Ouais, mais ou absolument créer l'amour impossible qui va l'attirer encore plus. Un peu Alexandre Jardin là, ouais, tu sais comment. Ouais, ouais. Tu sais faire moi j'ai renoncé à l'amour, là, tu parles avec elle de tout ça puis je pense que personne va être capable de me changer. Puis au pire elle te présente de ses chums. Oui. Mm-hmm. Exact. Ah, peut-être travailler sur un clone qui serait disponible. Tu sais, mettons, comme il vole de l'ADN de la fille, il essaie de la cloner. En faisant des tresses, mettons. En faisant des tresses. Un peu de cheveux. Il fait ça, puis là, il s'arrange pour pas qu'elle rencontre le gars en question, tu sais. Puis il y a aussi l'option cheap, le real doll. Oui, oh oui. Si tu fais faire... Ah, man, c'est terrible. Ouais. Elle arrive chez vous. « Hey, c'est-tu moi? » Inanimé sur ton sofa. Non. Ah, tu trouves qu'elle tord ça? Il abandonne même. Il abandonne même. Ben, peut-être savoir si elle a une sœur aussi. T'sais, peut-être qu'il y a moyen de s'intéresser à The Next Best Thing. Aller fouiller dans l'arbre. Aller fouiller dans l'arbre. C'est toujours un classique, par contre, de savoir si c'est la sœur. Plus un ou moins un. Ah ouais. Parce que, tu sais, c'est jamais vraiment égal, les sœurs. Hein? Mm-hmm. C'est énorme. Ce que c'est pas fin. C'est vraiment pas fin. Des fois, ça ressemble pas du tout aussi. Il y a ça. Non, mais en même temps, je fais des blagues, mais c'est ça. Tu sais, des fois, les sœurs, ça se ressemble pas du tout. Ça se ressemble pas. Tout, pas. Mais... Mm-hmm. Ça règle pas, donc. Ouais. Mm. Puis si cette femme-là est en couple puis ils ont des enfants... Oh, que... shit! Oh. Ça, tu... Moi, pas tout chance, c'est un non-dit, mais pas tout chance. Non, ça, c'est ça implique d'autres mondes. Ouais, c'est ça. Hein. Peut-être si tu signales à la DPJ que le père fait des mauvais traitements aux enfants, puis que tu brises la famille au complet. Parfait, puis là, tu... Je vais t'aider, moi, je vais t'aider. Je vais être l'épaule. Je suis sûr qu'elle va être super heureuse. Elle va être d'avoir heureuse. Perdu ses enfants, d'avoir un bonhomme. Elle va être heureuse là-dedans. Non, mais ça va l'aider à avoir la garde de ses enfants, d'avoir un... nouveau couple stable. Ben oui. Ouais, exact. Ouais. Puis elle en fera d'autres, des enfants. Regarde. T'sais, t'en sert à ça. T'en rates un, t'en réussis un. C'est ça. Mm-hmm. C'est ça que ta mère a dit? Ben oui, tu sais, Gamou et ma soeur. Qui est qui? Oh! On cherche, hein, c'est comme profond, hein? Oui, quand aujourd'hui, même. Là. Ouais. Hey, c'est une situation délicate. Délicate. Problème épineux lui-même. Oui, il dit. Comment qu'on peut faire en sorte, pour vrai, là, que d'arrêter d'aimer quelqu'un? Ça se fait hein, quand même. T'sais, ne plus y penser, essayer comme... partir à l'étranger, mettons 6 mois, rencontrer un gros blitz de nouvelles personnes en peu de temps. Je pense qu'il faut changer de cercle. Changer de cercle, oui. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Essayer de l'éviter, tu sais, Christy, s'il est en amour avec, là, puis que ça le tue de la côtoyer, tu sais. C'est juste penser. Mais ça aurait été bon d'avoir des détails là-dessus. Est-ce que tu es au travail? Est-ce que le copain et son ami aussi? Ouais. On sait pas trop. Nos podophiles, il faut ajouter des détails. Hein? Ouais. Nous, on se nourrit de ça. Ouais. Ouais. Il l'a rencontré dans le cadre d'un cours prénatal. Oui, c'est ça. Ça se peut pas. Ben, écoute, sauver la vie à quelqu'un, ça peut fonctionner. T'sais, ça peut peut-être briser un couple et qu'elle soit éternellement reconnaissante. Donc, peut-être pas créer la situation, mais la suivre tout le temps pour espérer un moment où elle va peut-être être sur le bord de perdre sa vie et la sauver. Mais tu sais, pourquoi pas y donner, c'est un peu friends, mettons, mais tu sais, y donner à sa fête, à sa fête, pour y donner un cadeau très significatif que seulement lui connaît d'elle. Ah oui! Tu sais, une affaire qui n'est pas obligée de valoir cher, là, mais une affaire pile poil dessus, là, que même oui. son chum n'y a pas pensé, mais lui, c'est il a donné bon. Quelque chose. Qu'elle pleure. C'est ça, mais tu sais, ouais. j'ai l'impression que ça dit je t'aime, mais sans être trop agressif. Tu peux être un très bon ami en même temps, ouais. sauf que. Ça dit et je si... te connais mieux que personne. Je te connais mieux que et personne. Et si jamais son chum, il connaît son chum, c'est son ami, ouais. il propose ce cadeau-là à son chum, c'est-à-dire. C'est ça, aveu du tape électrique, ouais. je te jure. Ah, c'est drôle. Non, non, non, mais il fait. Il... Les tapes de couleur, elle adore ça. Ouais, il ouais, donne le vrai dit. Cadeau, là. Ben, c'est ça. Le... Ouais. Des cadeaux qui vont la faire sentir bien. Ouais. Puis là, son chum, à un moment donné, il sera plus capable de le garder. Il va dire, ben non, mais c'est Martin là, qui m'a dit de t'acheter ça. Mm-hmm. Puis là, elle va faire, Martin? C'est bon, ça. Ah oui, je pense ouais. que c'est bon. C'est ça. Bon, ça. un cadeau, excuse-moi, un cadeau un peu peurant, mettons, un foulard dans un Ziploc de sa grand-mère décédée qui va y rappeler sa grand-mère ah, pour ouais. l'odeur, tu sais, de faire, tu sais. Il a trouvé c'est ça. C'est que t'as trouvé ça. Il a fouillé. J'ai déterré ta grand-mère. Déterré. La belle Lise a déterré. Tu sais, devenir quelqu'un de vraiment extraordinaire, tu sais, mettons, là, guérir le cancer ou tu sais, comme... Tu sais, faire de quoi qu'après ça, elle n'aura pas le choix là, de ditcher l'autre là, pour mm. toi. Là, c'est juste c'est plus de comparaison, tu sais. Oui, mettons, tu sais... Oui, oui, oui, oui. Ben, ou vraiment prendre l'avis de son chum puis mettre, tu sais, monter ça de deux, trois coches. Là. Ah, OK. Oui, oui, ouais. OK. Tout faire t'sais, mieux que son être chum. Être son boss. Avoir les avoir cheveux un tout petit peu plus longs. Ouais. Ouais. Grosse voiture, plus grosse voiture. Des dents plus blanches. C'est ça, tout ouais. un petit peu plus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, exact. Mais il y a toujours les solutions Seinfeld, là. Oui. Le gars qui était en amour avec Elaine, il s'est engagé dans Greenpeace puis il allait oui, sauver des baleines. Oui, c'est vrai, ouais, ouais. Donc lui, il voulait oublier. Lui, c'était pour oublier, ouais. Ouais. C'est vrai. Donc il y a des choses comme ça, là. Hein? Missionnaire. Oui. Organiser avec ses amis une partie d'amis secrets, le jeu où on donne des cadeaux. OK. Vous savez, c'est quoi ce jeu-là? Ouais, tu sais ouais. Qui t'a pigé? Puis c'est ouais, ça. Comme... Pogner cette fille-là en trichant. Puis ouais. tu sais, c'est ça. Vraiment ouais. la gâter. La gâter. Pour mettre juste son nom dans le chapeau. Ouais. Ah, c'est ça, exact. Tout le monde y donne des Tout cadeaux. Tout le monde y donne des cadeaux. Bon. Ah, ouais. Il y a toujours le bon vieux jeu de la bouteille. Oui, ouais. ben oui, qui peut déclencher des ouais. affaires. Mais comment t'arrives à ça, tu sais? Mm. Oui, je le sais. Pogné dans un ascenseur. Oh! Qui tombe en panne. Oui, oui, puis ils ont comme un 48 heures ensemble. Puis là, ah, j'avais ouais. une bouteille. Peut-être que faire tourner la bouteille va ramener l'électricité. C'est ça. La friction. Oui. C'est exactement. J'ai très vu bon. Ça dans les Mythbusters. Ouais, ça... Et voilà. La kidnapper, peut-être. Il y a ça, hein? Oui. Syndrome de Stockholm, un peu ouais, comme... Ouais, après deux ans, là, je pense qu'elle va, ça, elle va commencer va l'aimer, à... l'aimer, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Ça a marché pour la belle et la bête, là, tu sais. Puis, ouais. Puis quand son chum va abandonner l'idée qu'elle est vraiment... qu'on peut pas la retrouver, ouais. ben... Mm-hmm. Va refaire sa vie, puis va peut-être être plus c'est heureux. Tu sais. Peut-être mmh. vraiment méchant. T'attends que son chum ait une autre blonde. Mm-hmm. Oui, ah, pour à faire partir... ça. Oui, c'est ouais. ça. Là, t'as relâche dans la nature. Puis là, t'as relâche. Fait... Ah, il est trop... T'es un peu comme Castaway, là, c'est ça? Oui, oui, il oui. Il revient, il est déjà remarié, puis tout oh. ça. Pas utiliser drôle. Une technique de Crouse qu'on a déjà parlé, d'être vraiment méchant avec elle. Mmh. OK. Une fois, ça va peut-être faire l'effet contraire. Elle va vouloir mmh. le sauver. Ah! Mais je sais pas si ça fonctionne avec des amis. Là. Je penserais pas. Ouais, mais... un peu, ouais. Le cœur a ses raisons. Oui. Ouais, mais il faut sortir de la friend zone. Hein? Ouais, c'est ça. Toujours dur. Je pense que le malaise qu'on a à en parler, c'est vraiment le fait que Martin soit là et que Mathieu soit là. Ouais. Les deux en même temps. Ouais. Ouais. Une espèce d'amour-amitié. Non, mais avec la copine de Martin, Mathieu ouais. a des. Ouais. Tu veux-tu en parler à Martin tout de suite, Mathieu? En fait, moi, je veux joindre le couple. C'est ça. Le couple.tv. Je veux être dans cette web-série-là. Toing! Brrr! Bloup, bloup, bloup, bloup! Bloup, bloup, bloup, bloup! Ouais. Épineux. Mm. Je vais aller voir sur Twitter, je pense qu'on en a reçu. Mm-hmm. Ou pas. Hein? J'en ai deux, je pense. C'est de Jimmy Veilleux. Bon. J'ai le même problème, je suis tombé en amour avec une femme qui est en couple. Oh non. Mm. Avec moi depuis 15 ans. Oh! C'est bon. C'est ça. Bon. Je vais jamais faire ça. Tu fasses ça. Mais non, mais c'est la même chose qui est arrivée pour moi il y a de ça 15 ans. C'est ça. Okay. Il est en couple maintenant avec. Okay. Ah, il a réussi, okay, lui. Je comprends. Oui. Il a fait le switch. Hey, demande-y des cues, réponds, reply, aide-nous. Comment as-tu-le fait? Ouais. What the fuck, Jimmy? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que t'as fait? Oui, exact. Parlez. Ça va, toi? Comment ça va, Mathieu? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en amour. Parlez d'autres sujets. Ah, oh, c'est vrai. Je pensais que tu nous avais dit parler de même. Il y a des films qui parlent de ça, tu sais. Oui, ben oui. Il y en a plusieurs. Juste là, ça, marié, c'est juste de ça. Tous les comédies romantiques parlent de ça. My Best Friend's Wedding, c'est un peu ça. Exact. Amen. Peut-être faire écouter à la fille l'horrible film de Break Up avec Jennifer Aniston, qui est deux personnes qui se laissent pendant 1h40. Ah, c'est pas bon. D'une manière semi-comique, très désagréable. C'est peut-être nul. Que ça va y enlever la foi en l'amour. Mais si j'ai compris quelque chose des comédie romantique, c'est si jamais elle part en voyage, court à l'aéroport, traverse les bouts, t'as pas le droit de... Ouais. T'as pas le droit de passer, là. Ouais. Les détecteurs de métaux. Ouais, c'est ça. Part, puis là, tu fais « Non, mais je l'aime! » Puis je dois lui dire! Puis apporte ton ghetto blaster. On va finir ça pour une fois. Actually, c'était pas un mauvais film. Ce genre de scène-là dedans. Oui. On en a tellement parlé. C'était vraiment pas bon. Non, mais il n'y a pas juste ça. Il y a comme 40 films. Il y a le films, contraire aussi au cinéma. Il y a Sur la route de Madison. Ah oui? Ah avec oui. Avec Meryl Streep et tout ça, bon. Qui est exactement cette histoire-là. Pas tant un ami, mais... Ouais. Une fille qui est comme un summer fling là, de 4-5 jours, puis finalement, décide de rester avec sa famille quand même. Ouais. Qui devient la passion d'une vie. Mais... Toujours sur Twitter, on a Martin Boalay. Martin Boalay. Ah oui, c'est notre technicien. lui vanter les bienfaits de l'infidélité. Ah oui! Ah oui, il dit, paraît qu'une nouvelle étude, paraît que les femmes infidèles vivent 20 ans plus vieilles. Ouais. Ah, c'est drôle, ça. Ben, les femmes infidèles ont beaucoup plus de sexe. Ah, c'est ça. C'est prouvé. Puis ils ont les seins plus égaux. Ils ont les seins plus égaux. Puis ils attrapent moins le cancer du sein. Ouais, c'est bon, ça. Ouais. Moi, j'allais dire peut-être la proposition indécente. T'sais, s'il veut s'en sortir de la tête, là, c'est peut-être, écoute, regarde, j'ai vraiment une attirance pour toi. Je veux t'offrir, mettons, 1 500 $ pour une nuit avec toi. C'est bien trop, Mathieu. C'est trop? Trop d'argent? Hey, 1 500 $, là. Elle sent pas pute pour 200. Elle sent pas pute. Non, mais tu sais, c'est comme si c'est un don 600, du cœur. 600 $. Puis 600 $. T'as son chum à côté qui fait « Ah ouais, chérie, ouais, c'est 1 500 $. Casse pas là-dessus, c'est de l'argent. C'est un paiement de char. Ça nous paye un nouveau patio. Ah oui, ce serait bien, ça. Ouais. Ben, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui tripe sur ma blonde, là, qui nous écoute... T'es ouvert à une proposition monétaire? Fait. Ben... 1 500 $? On va s'en reparler. On va s'en reparler. Ouais. Hors d'onde. On va régler ça. Oui. Oui, mais la patience, je crois que ça peut être... Ouais. Ah ouais, tu penses? Oui. Mais... Parce qu'on l'a vu aussi dans la vie, tu sais, des switches, là, que ça a marché. Puis... Ben oui, puis non seulement ça, je veux dire, là, moi je suis bien dans mon couple et j'espère que être bien éternellement avec elle, mais tu sais, tous les couples, on sait pas, là, c'est quoi la durée, puis à un moment où ça cesse, ou... Bon, peut-être qu'il y a des couples qui vont mieux que d'autres, là. C'est sûr. Mais c'est sûr que si la fille a discuté avec lui, s'il y a comme un indice d'être intéressé, moi, je pense que ce couple-là bat de l'aile. Ouais. Ouais, mais c'est dur, ça, parce qu'il y a des gens qui ont toujours l'air intéressés. Ouais. Ouais, non? C'est vrai, ça. Ouais, tu sais, du monde qui aime le flirt. Des flirties. Puis même, là. Puis qui reviennent encore plus solidement à leur chum ou à leur blonde. Tu pensais que cette fille-là, c'est une flirty foufoui? C'est peut-être une flirty foufoui. Ça se peut. Parce qu'il y en a du monde qui ont toujours l'air, tu sais, de semi-crousailler, puis finalement, ils sont juste comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ouais, parce qu'ils aiment l'attention, puis ils aiment. Ouais. Comme Mathieu qui nous fait non, les cuisses entre la table. Non, c'est parce que Jimmy nous a répondu Quand on s'est rencontrés, cela a fait clic. C'était ma voisine depuis 2 jours. On s'est parlé et après 2 semaines, c'était trop fort. Wow! Hein? Quand même. C'est cool. Incroyable, c'est chouette. Vite quand même. Ouais, 2 semaines. Pow! Non, mais c'est ça. J'espère qu'elle habitait pas avec son chum parce que là, c'est un peu... Mais ouais, c'est ça. Et ça fait déjà un bon bout de temps là, qu'ils nous envoyaient ce problème-là, je pense. Ah oui? Fait que bon. C'est peut-être... C'est peut-être réglé. Peut-être 8 mois enceinte pendant qu'on se parle. De lui. C'est ça. Oui, déjà. Ça fait tellement longtemps. Sans savoir. Ben oui, peut-être demander un suivi de l'histoire, savoir s'il l'aime encore, si c'est touché. On a fait un très, très vieux podcast. Ben, il était pas vieux quand on l'a fait, mais... Ouais. où c'était comment annoncer à la personne avec qui qu'on fréquente que ça devient officiel. Oui, c'est vrai, oui. C'était bon, il y avait... Antoine avait proposé l'inséminer par... sans qu'elle sache. Oui, par les lasers, hein, je pense. Non, oui. c'est sa solution préférée. Oui. Mais ben, il y a ça. Moi, je pense que... T'as pas été... T'es la mère de mon enfant. Ouais. Je pense qu'on va être obligé d'être ensemble. De faire un bout de chemin. Oui. De toute façon, on est liés à jamais. Ah ouais. T'es mieux de t'y faire. C'était un accident de cachette. Ouais. Puis ça a donné ça. Sweet. T'es la mère de mon enfant. T'es tombé sur ma verge turgescente. Oh Mathieu, s'il te plaît. La seconde avant que j'éjacule. Tu le sais que j'éjacule toujours à 13h48. Pourquoi t'es allé t'assire là-dessus? Martin rit, là. Il est seul à rire. Ouais. Alors, il continue, Jimmy, sur Twitter. Ah ouais, oui. Alors, on s'est embrassé un soir chaud d'été. Wow. Et de plus en plus, après une semaine, de plus en plus... Attends, c'est ça. Ouais. Après une semaine de plus, lui était parti et moi, j'étais là. Oh. LOL. LOL. Oh. Lots of loving. Oui, c'est ça. Wow. Lots of loving. Lots of loving. Un LOL un peu agressif. Un LOL un peu agressif. Ouais. Ouais. Enfin. Forcer des French. Oui. Mais t'allais dire de quoi? Oui, c'est-tu vrai la théorie que tu sais l'amour, si on n'y fait pas attention, mettons, dure 7 ans, tu sais? Donc peut-être que dans 7 ans... The 7-year itch. Fini. Ça va être débarrassé. Il y a ça. Je pense qu'il y a des étapes. Ouais. Mm-hmm. L'amour évolue, se transforme. Ouais. Mais je sais pas. Mm. Mais ils en ont fait un film. Oui. Oui. Je l'ai pas vu. Tu pouiches. Je n'ai pas vu. Ouais, voyons, Jean-Philippe. On t'a demandé de regarder tous les films pour le podcast. C'est un truc que j'ai pas vu. J'ai regardé sur IMDb. Mais ouais. IMDB, pour les gens qui nous écoutent, c'est un site qui répertorie tous les artisans du cinéma. Oui. Bon. Attends, il arrête pas, Jimmy. Ah. Je sais que j'étais, entre parenthèses, chien, mais je savais que c'était la bonne et elle aussi le savait. Frésinette. Puis là, il y a tag, là. Ben, wow. Voyons. Ma blonde depuis 15 ans. Je pense qu'il est en train de lui renouveler ses vœux avec elle. Mais c'est ça aussi, tu sais. Peut-être que on n'est pas tout le temps avec la bonne personne, puis on est fait un pour l'autre. Mais j'avais une théorie dans le temps qui ne dans tient le temps, plus. Ça veut dire quoi, ça, Fred? Début du cégep. Okay. Je me disais, tu idéalises l'amour et je me disais, peut-être que dans le monde, là, ouais, il y a une personne avec qui on est à 100% compatible, okay, mm-hmm, puis une personne avec 0% compatible, ouais, ouais, puis à la moitié de la planète, à peu près, qu'on est à 50% compatible. Tu sais, il y a vraiment une parabole, là, tu sais, où plus on s'approche d'un extrême, moins il y en a. Une courbe normale, donc. Ouais, c'est ça. Ouais. Courbe normale? Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, peut-être. Donc, moi, je cherchais une fille... Mettons à 83. Ouais. Mm-hmm. Je cherchais même 90. OK. Hein, tu sais. Mmh. Oh. Mais j'ai trouvé 100%. La 100%! Oh. Wow. Ah. La courbe normale. Oui. Dans 3 ans, ça fait 7 ans. Que vous êtes ensemble. Non, vous avez déjà passé les 7 ans. C'était l'an passé. Ça va être cette année, là, en 2013. Oh, ouais. Attelle-toi, mon gars. Oh, oui. Et là que ça chie, tu te lèves un matin. Ouais. Sors les bouquets de fleurs. Oh oui. Oh, oui. Non, à chaque matin, je lui offre une frère. Une frère. Une frore. Un disque des frères. Ouais. C'est le frère des fleurs. Ça me fait penser à un mixtape ou un bon vieux CD gravé de tunes qui te font penser à elle. Ça, il n'y a rien d'autre. Bon. Non, mais ça, si ça la repousse pas, c'est dans poche. Ouais, c'est vrai. Ça l'accepte le mixtape. Ouais. Ouais. Surtout s'il y a la voix de Janice de Friends dessus. Hello! Non, mais tester, tu sais, tantôt on disait d'être franc, mais tester la personne avec quelque chose du genre peut faire en sorte que tu vois, si elle trouve ça lourd, tu fais bon, mon chien est mort, je fais mon deuil. Mais si elle trouve pas ça lourd, je pense que ça vaut une bataille. Là. Ouais. Mm-hmm. Non? Oui. Vous pourriez être des âmes sœurs. Ou elle a un problème. Ou elle a un problème. C'est ça. C'est son problème. Ouais. Yeah, t'as pas trouvé ça lourd, c'est ton problème. Mon mistake, puis mon scrapbooking de nos photos. D'amitié. Ça m'a pris du temps à faire ça. Là. Ouais. Oh. Sacrément. Tout recueillir tes cheveux morts, tombés. Ah, oh, c'est ça, va chier, là, si t'aimes pas ça. Va chier. T'es juste comme, gars, t'es cas. Ben non, il dirait jamais ça, il l'aime. Mais non. Bon, ouais. Ouais. Moi, je m'alignerais tranquillement vers ma solution préférée. Ouais, moi aussi. Mm. Vas-y donc, Mathieu. C'est con, mais je pense que de lui faire voir les avantages de l'infidélité, je trouve ça très drôle. C'est comme la porte méchante pour atteindre son cœur, tu sais. Ouais. Puis après, tu dis à son chum, hey, elle t'a trompé. À plein cul avec des gars de bicycle. Puis lui non plus, il peut plus être avec, là. Elle fait non. Juste. Ben ou ça lui donne juste une raison pour la tromper. Ouais, c'est ça. J'ai des points. Moi, aller à ronde avec. Oui. C'est un classique. Ouais. Ça marche tout le temps avec toutes les filles. Moi, le cadeau révélateur. Là, oui, oui, le, c'était full le cadeau bon, cadeau meilleur ça. Que ce que son chum y donnerait. Ouais. Je pense que c'est un bon. C'est fort. Un bon pied dans la porte. Ouais. Ou la patience. Ouais. Inventer une machine à voyager dans le temps. Oh! Oui. Aller dans le futur, voir ce qui est devenu. Si c'est pas beau, lui dire, lui montrer. Si c'est beau, tuer quelqu'un. Tuer. Voilà. Ouais. C'est toutes des bonnes solutions. Oh, toutes des bonnes solutions. C'est Martin, as-tu une solution préférée? Ils aiment toutes. Aucune. OK. Alors, si vous n'avez, vous, des solutions préférées, écrivez-nous sur notre page Facebook. Et si vous avez des problèmes, écrivez... J'ai comme changé de ton, hein? Je me suis comme réveillé. C'était moins pire que tu pensais. Oui. C'était correct. Écrivez-nous via Facebook ou courriel, podproblème@gmail.com ou même Google Plus. Oui. Oui, vraiment, ça a connu la courbe, comme tu disais tantôt, ouais. La grande courbe. Oui. La grande courbe. La grande courbe. Mmh. Ouais. Mmh. Alors, c'est quoi le réseau nouveau, social là. Chinois, non? Il y en a un qui vient de sortir, Feed, PHED. Ouais. Je sais pas. Ça m'intéresse pas. Ça. Mais il y a un Facebook chinois qui pogne. Ah oui? Okay. Plus que Facebook. Mais tu sais, c'est ça, qu'il y a autant de monde. Dessus, ah sauf qu'on ne parle pas chinois. Bon, non. Puis chinois, c'est pas une langue. voilà. Et continuez à nous écrire. 5 ou rien sur iTunes Plus. Et je voulais m'excuser, vous l'avez de cela quelques semaines. J'ai lu 2 semaines de fil le même commentaire. d'iTunes Plus. Oui. Et d'iTunes Plus. D'iTunes Plus. Non, mais j'ai lu 2 fois le même commentaire. Puis la deuxième fois que je l'ai lu, je l'ai moins bien lu que la première fois. Oui. C'est normal, Fred. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Ah, oui. Voilà. Et le mot de la fin, Jean-Philippe. Vous avez un problème, nous avons un podcast.